de la région et un vent jusqu'à 30 km/h et de 8 à 11 degrés pour les températures matinales, 8 degrés notamment dans le sud de l'Eure, du gris encore sur notre après-midi avec un ciel très nuageux à couvert avec un vent plus soutenu et atteignant 50 km/h et des maximales comprises cet après-midi entre 14 et 16 degrés. Demain mercredi, éclairci localement en matinée puis risque de pluie partout avec jusqu'à 14 degrés. Jeudi de 4 à 14 degrés, une journée agréablement ensoleillée puis une fin de semaine souvent bien arrosée avec de la pluie. Vendredi après-midi, samedi et dimanche, et pas plus de 13 degrés. Ils étaient restés plutôt discrets la semaine dernière sur le sujet, mais les leaders politiques commencent à s'exprimer et à prendre position pour le mouvement du 17 novembre contre la hausse du prix du carburant. Et comme pour ne pas laisser le champ libre au seul leader de l'extrême droite, des voix commencent à se faire entendre. Ce lundi, c'est Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie et président de l'Association des régions de France, qui a annoncé son soutien au mouvement de Grogne sur le prix des carburants. Il y a deux France aujourd'hui, la France des métropoles, la France de la mondialisation heureuse et puis la France des territoires ruraux qui ont constamment l'impression d'être oublié. Moi, je vais me mobiliser à côté des gilets jaunes dans la région Normandie. Je vais le faire en tant que responsable politique le 17 novembre prochain. C'est ce qu'a donc précisé le président de la Normandie, bien décidé à défendre les territoires. Une carte participative produite par le site blocage17novembre.com, animée par une petite équipe de bénévoles du mouvement, rassemble les futurs points de blocage annoncés par les automobilistes en colère. C'est en quelque sorte un carnet de santé numérique consignant toutes les informations médicales vous concernant, un carnet de santé qui peut être renseigné et consulté par tous les professionnels de santé que vous pouvez être amené à rencontrer. Ce dispositif est testé en Normandie depuis 2 ans. Le dispositif va être officiellement lancé sur tout le territoire français aujourd'hui. Depuis un mois, il est possible de créer soi-même son dossier médical partagé sur Internet. La démarche est également possible dans votre pharmacie. Les pharmaciens rétribués par 1 euro pour chaque création de DMP y voient un intérêt professionnel. Une première phase de développement a été conduite dans 9 départements. Elle a déjà permis de créer 550 000 DMP en 18 mois entre décembre 2016 et mai 2018. En comptant ceux ouverts durant la décennie précédente, plus de 1,2 million de DMP étaient ouverts au début de l'été selon la CNAM. Car ce dossier est un vieux serpent de mer, l'idée a été lancée par Philippe Douste-Blazy en 2004. Demander à tous les médecins de mettre en commun tout ce qu'ils ont sur chaque malade, c'est possible en 3 mois. C'est ce que déclarait alors le ministre de la Santé de l'époque. Ce n'est qu'en 2010 que la première génération de dossiers médicaux partagés verra le jour. Une première génération qui se soldera par un échec, moins de 200 000 DMP créés au bout de 2 ans et justifiera la conception d'une seconde version. Pour la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la CNAM, garante de ce nouveau système, le DMP permettra un meilleur suivi médical mais également des économies substantielles en évitant des examens redondants en attendant d'en voir les résultats. Le dispositif a coûté depuis son premier lancement plus de 500 millions d'euros. Le gouvernement espère atteindre l'objectif de 40 millions de DMP créés d'ici 5 ans. Un incendie s'est déclaré à Louviers dans la nuit de ce vendredi à samedi dans un garage automobile situé route de Saint-Pierre. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés peu avant 3 heures pour éteindre un incendie qui aurait pris dans les bureaux. Les flammes commençaient à se propager à la toiture. Il semblerait que ce sinistre soit d'origine électrique. Aucun véhicule entreposé n'a été endommagé. Plusieurs rayons vides ou alors très peu achalandés, plusieurs tonnes de denrées alimentaires à détruire. C'est le triste spectacle auquel les clients de l'hypermarché Cora d'Evreux ont assisté vendredi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la grande surface a été victime d'une panne de la centrale qui produit le froid pour plusieurs meubles réfrigérés. Des meubles contenant de la charcuterie, des plats cuisiniers, des produits laitiers. L'intervention de réparation s'est déroulée pendant la nuit, c'est ce qu'a précisé Pascal Cardinal, le directeur du magasin. Mais la coupure générale d'alimentation des meubles a été trop longue et a donc entraîné une remontée en température des produits situés à l'intérieur, ce qui les a rendus impropres à la consommation. Face à ce constat, le responsable de l'enseigne implantée boulevard de Normandie n'a pu que décider qu'il fallait tout détruire. Cela représente environ 2 tonnes d'aliments qui ne pouvaient ni être consommés par les clients, ni donnés à des associations caritatives. Ce sont des déchets alimentaires qui partent par la filière des biodéchets. Ils seront détruits comme tout autre produit alimentaire dépassé de date, c'est ce qu'a précisé le directeur. Ce dernier table sur un retour à la normale en ce début de semaine. Le réapprovisionnement des références supprimées se fera au fur et à mesure de la possibilité que l'on a de les commander et d'être réapprovisionné, c'est ce qu'a souligné Pascal Cardinal. Pour le responsable du magasin, ce type d'incident reste rarissime. Au-delà de la perte de marchandises, cette panne entraînera évidemment aussi une perte de chiffre d'affaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très belle journée sur Cristal. Grand tournant.

cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me, cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Peace. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo avec une matinée très nuageuse pour ce mardi 6 novembre avec un peu de pluie et avec quelques éclaircies à l'est de la région et un vent jusqu'à 30 km/h de 8 à 11 degrés pour les températures de ce matin. Du gris encore pour cet après-midi avec un ciel très nuageux à couvert avec un vent plus soutenu et atteignant 50 km/h et des températures maximales qui seront comprises entre 14 et 16 degrés cet après-midi. Ils étaient restés plutôt discrets la semaine dernière sur le sujet, mais les leaders politiques commencent à s'exprimer et à prendre position pour le mouvement du 17 novembre prochain contre la hausse du prix du carburant. Et comme pour ne pas laisser le champ libre au seul leader de l'extrême droite, des voix commencent à se faire entendre. Ce lundi, c'est Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie et président de l'Association des régions de France, qui a annoncé son soutien au mouvement de grogne sur les prix des carburants. Et puis c'est en quelque sorte un carnet de santé numérique consignant toutes les informations médicales vous concernant. Un carnet de santé qui peut être renseigné et consulté par tous les professionnels de santé que vous pouvez être amené à rencontrer. Ce dispositif est testé en Normandie depuis 10 ans et ce dispositif est officiellement lancé sur le territoire français ce mardi. Depuis un mois, il est possible de créer soi-même son dossier médical partagé sur Internet. La démarche est également possible dans votre pharmacie. Voilà en ce qui concerne les titres de l'actualité développés dans votre prochain journal. Tout de suite, retour de la musique. Très belle journée sur Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Bonne reprise à vous et bonne rentrée à tous ceux qui étaient peut-être en vacances la semaine dernière. La pause déj l'était aussi, alors la chose positive dans cette rentrée, c'est que la pause déj revient sur Cristal. Vous m'aviez un petit peu manqué quand même, je dois vous le dire. Et du coup, pour bien redémarrer cette semaine, je vous offre un chèque de 80€, c'est à remporter tous les midis. Vous jouez en appelant au 02 32 23 53 96. Bien sûr, vous pouvez jouer en équipe avec vos collègues ou encore avec votre famille. C'est ce que fait aujourd'hui Sandrine du côté de Grand Queville. Bonjour. Bonjour. Sandrine est accompagnée de Mélissa, sa fille de 25 ans. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vous avez l'air d'être en forme les filles aujourd'hui. Ah, il faut le soleil, il faut. Il y a le soleil, c'est vrai que ça fait plaisir là, un lundi sous le soleil. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celui-là. Exactement, lundi, ouais. Vous avez passé un... Comment ? On commence bien la journée. Oui, on commence bien la semaine et cette rentrée scolaire. Sandrine, vous avez fait quoi de beau ce week-end ? Week-end, j'ai reçu du monde, j'ai eu des amis hier. Et samedi, j'ai fait une petite sortie piscine de Mont-Saint-Aignan. Voilà, c'était sympathique. D'accord, à la piscine de Mont-Saint-Aignan. Okay. Et le matin, à la ferme de Philippou. La okay. Ferme des... Non, je sais plus, j'ai pas de nom. Ah bah c'est bien pour leur faire la pub ça. Ouais. Bon, Sandrine et Mélissa, vous jouez aujourd'hui pour 80€. On y va pour une minute de questions. Vous pouvez passer si vous n'avez pas la réponse. Si vous faites 10 bonnes réponses consécutives, vous empochez la somme de 500€. On y va ? On y va. C'est parti, 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? De quoi un produit fongicide est-il à se débarrasser ? De quelle ville le départ de la route du Rhum a-t-il été donné hier ? Saint-Malo. Qui a été éliminé de Danse avec les Stars samedi soir ? Nancy. Quel est le prénom de la chanteuse dont le nom est Leroy ? Malouine. Lorsqu'on achète une maison, on a parfois droit à un crédit PTZ. Que signifie PTZ ? Dans quelle ville de Normandie peut-on faire son jogging autour de la prairie ? C'est un prénom, c'est aussi le nom d'un t-shirt sans manches. Quel est-il ? Martel. Sur quelle chaîne l'émission Salut les Terriens est-elle diffusée ? À quelle marque automobile appartient le modèle Carrera ? Donnez juste avant le gong et c'est une bonne réponse. Yes. Le modèle Carrera appartient bien à la marque Porsche. Et alors, Sandrine ? Oui. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Ouais, plutôt. Dommage, on a passé deux questions, je crois. Oui, c'est ça, en effet. Mais alors, peut-être que les autres réponses que vous nous avez données sont des bonnes réponses. Ben, on croise les doigts, on espère. On n'a pas beaucoup entendu Mélissa quand même. Oh, ah mais c'est pas, vous êtes mère et fille, vous avez exactement la même voix, c'est pour ça on vous confond. Ah oui, bah c'est vrai. Sandrine, toi qui étais hyper stressée avant de passer à l'antenne, ça va, ça s'est bien passé ? Oui, très bien, super. Le stress y part au bout d'un moment, tu confirmes ? Oui, après on est confiante et on y va, ouais. Alors, on va revenir très vite sur certaines questions. Il fallait reconnaître en effet dans l'extrait Lio avec les brunes compte pas pour des prunes. De quelle ville le départ de la route du Rhum a-t-il été donné hier? C'était bien à Saint-Malo. C'est Jean-Philippe Janssen qui est parti de Danse avec les Stars samedi soir. Et le prénom de la chanteuse dont le nom est Le Roi, c'était bien Nolwenn. Alors, de quoi un produit fongicide est-il à se débarrasser? Les champignons. C'était en effet les champignons. Sur le moment, t'as pas réussi à l'avoir. Je pensais, mais le temps que je trouvais pas le mot. Bon, au moins, t'as pas perdu de temps. On va voir combien de bonnes réponses vous nous avez données juste après 3 cafés gourmands. Voici à nos souvenirs sans cristal. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze et Chanel. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo. Ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Avec 80 euros à gagner cette semaine. Tous les midis, vous jouez au 02 32 23 53 96. C'est le numéro que Sandrine a composé de Grand Quevis. Elle a tenté sa chance. Aujourd'hui, elle a répondu aux questions. On va encore débriefer les réponses que tu nous as données. Alors, lorsqu'on achète une maison, on a parfois droit à un crédit PTZ. Que signifie PTZ? C'était bien prêt à taux zéro. Dans quelle ville de Normandie on peut faire son jogging autour de la prairie? Ce sont les habitants de Caen qui auraient pu répondre à cette question. C'était à Caen. La prairie, c'est un espace vert qui est situé près de l'hippodrome à deux pas du centre-ville. D'accord, bon bah au moins j'ai appris quelque chose. Voilà, ça sert à ça aussi la pause-déj. Voilà. C'est un prénom, c'est aussi le nom d'un t-shirt sans manche. Quel est-il? Le Marcel. Et c'était une bonne réponse. La chaîne sur laquelle est diffusée Salut les Terriens, c'est bien C8. Ouais, super. Alors, c'est pas mal les filles. En plus, ouais. Vous avez fait 8 bonnes réponses. Ouh, yeah, parfait. Alors, vous avez... mais c'est bien. C'est bien, c'est même très très bien. Si vous n'avez pas passé les deux réponses, vous auriez fait 10 bonnes réponses consécutives. Mais bon, voilà, on va pas tatillonner. Je vais pas vous faire regretter non plus. Non, non, non, non, déjà discuté là pendant la musique là. On s'est dit, mince, deux réponses près, mais c'est comme ça. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, en effet. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme me disait ma grand-mère. Alors, bon, ça n'empêche, vous avez fait 8 bonnes réponses. Il faut quand même que les prochains candidats fassent minimum 9 points pour vous battre. Alors, appelez-nous, 02 32 23 53 96. Vous aussi, vous avez envie de jouer en équipe comme Sandrine et Mélissa, eh bien, vous nous appelez tout de suite. 9 bonnes réponses à faire pour remporter la somme de 80 €. C'est ce midi dans la pause déj. Les filles, je vous embrasse. Moi aussi. Et peut-être à tout à l'heure. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Sinners crawl, so they dug your grave.

produits situés à l'intérieur, ce qui les a rendus impropres à la consommation. Face à ce constat, le responsable de l'enseigne implantée boulevard de Normandie n'a pu que décider qu'il fallait tout détruire. Cela représente environ 2 tonnes d'aliments qui ne pouvaient ni être consommés par les clients, ni donnés à des associations caritatives. Ce sont des déchets alimentaires qui partent par la filière des biodéchets. Ils seront détruits comme tout autre produit alimentaire dépassé de date, c'est ce qu'a précisé le directeur. Ce dernier table sur un retour à la normale en ce début de semaine. Le réapprovisionnement des références supprimées se fera au fur et à mesure de la possibilité que l'on a de les commander et d'être réapprovisionné, c'est ce qu'a souligné Pascal Cardinal. Pour le responsable du magasin, ce type d'incident reste rarissime. Au-delà de la perte de marchandises, cette panne entraînera évidemment aussi une perte de chiffre d'affaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très belle journée sur Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. La pause déj redémarre cette semaine avec un score très élevé. C'est Sandrine et sa fille Mélissa de Grand-Queville qui ont fait le très joli score de 8 points. Il faut donc en faire 9 aujourd'hui pour les battre. Bonjour Sylvie Darnière sur Iton. Bonjour Aurélie. Alors je rappelle, le cadeau d'aujourd'hui c'est 80 euros, 80 euros pour se faire plaisir, se faire un petit peu de shopping, mettre de côté avant Noël, voilà, faire un plein d'essence aussi puisqu'on y est presque, hein, 80 euros le plein d'essence maintenant. Sylvie, allô? Oui, allô. Tu habites du côté dernière sur Iton, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et tu t'occupes de ton jardin, je suppose? Ouais, de mon jardin, mes petits-enfants qu'on les emmène à garder. T'as combien de petits-enfants? 4. 4, d'accord. Ouais. C'est toi qui t'en occupes pendant les vacances? Non, pas tout. Non. Moi, je les ai occasionnellement et dans ces cas-là, quand je les ai, ben, je leur fais faire plein d'activités. C'est mamie gâteau. Ouais, c'est ça. D'accord, plein de gourmandises. Il y a les bonbons chez mamie, c'est ça? Bah, toujours. Déjà, quand mamie, elle leur mange, alors donc je me vois mal ne pas leur en donner. Sylvie, 80 euros avec, tu fais quoi? Eh ben, je leur fais des cadeaux à Noël. Bah voilà. Sylvie, on y va pour une minute de questions. Le score est très élevé, tu le sais, il faut faire 9 points oui. Aujourd'hui pour battre Sandrine de Grand-Queville. Alors, concentration, on y va, top, c'est parti. Qui reconnais-tu dans cet extrait? Je vais à la fac de la façon la plus lente, mais j'aurais dû sécher pour éviter l'amiante. J'ai des passes. Au ball-trap, que crie-t-on lorsqu'on lance la cible? Poule. Quel territoire français votait hier pour ou contre son indépendance? Quelle lettre apparaît sur le logo de Pôle emploi? Un E. Dans l'expression très populaire, à quel animal compare-t-on une personne très douce? Un agneau. Quelle actrice est la Pretty Woman dans le film du même nom? Comment ça s'appelle? Bon, je passe. Donne-moi 3 ans près l'âge de Mick Jagger. Mick Jagger, 80 ans. Quel animal te vient spontanément à l'esprit si je te cite le prénom de Peggy? Un cochon. De quoi un pyrophobe a-t-il peur? Je passe. Alors le pyrophobe, c'est peut-être votre cas d'ailleurs dans la voiture. Il a peur du feu. Le préfixe pyro aurait pu te mettre sur une piste. Pyromane, pyrotechnique. On est un petit peu stressé sur la fin, c'est dommage, ouais, Sylvie. Ouais. Parce que ça me paraît plutôt quand même pas mal. Alors, si je te cite... Sylvia Robert. Voilà. C'est souvent comme ça que ça marche dans la pause déj. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur Cristal, je posais cette question. Quelle actrice est la Pretty Woman dans le film du même nom? Tu l'avais sur le bout de la langue, mais t'as préféré passer pour ne pas perdre de temps. C'était donc Julia Roberts, en effet. L'animal qui te vient spontanément à l'esprit, si je te dis le prénom de Peggy. Un petit coucou à toutes les Peggy qui d'ailleurs ont dû galérer avec ce prénom du coup. C'était bien Peggy la cochonne, le cochon en effet. Et la lettre qui apparaît sur le logo de Pôle emploi, c'est le E. Sylvie, est-ce que tu as fait 9 points aujourd'hui pour battre Sandrine de Grand-Queville? Non, je pense pas, non. Eh bien réponse dans 3 minutes juste après LSD avec Thunderclad sur Cristal. I'm a boy.

planté comme une arête dans ma gorge serrée. Faudra que je l'enlève. Tu vois, ça crève les yeux. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Midi 36, nous accueillons notre dernière candidate. Elle s'appelle Laurine, elle habite à Vanneville-sur-Iton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cristal. Aujourd'hui, tu joues pour emporter un chèque de 80€. Il va falloir battre l'excellent score de Sandrine et Mélissa de Grand-Queville. Elles ont fait 8 points, toi d'en faire 9 aujourd'hui. On va essayer. Bon, t'es avec ton petit loup, t'es une toute jeune maman, toi? Ouais, exact. C'est ton premier enfant? Oui. Louis, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a 2 mois. Et du coup, son prénom fait partie des prénoms les plus donnés en France en ce moment, quand même. Louis est à la première place. Ah oui, quand même. Bon, oui. C'est pas assez place-là, mais quand même. C'est ce que je te disais en antenne. J'ai un ami, sa copine a accouché au mois de juillet. Ils l'ont appelé Louis aussi. Juste derrière, il y a Jules, il y a Gabriel. Oh oui, bah voilà. Et côté fille, il y a Emma, Jade et Louise. Bon, le petit Louis ne sera peut-être pas tout seul dans sa classe en primaire, je pense. Oui, on verra bien. Mais on a encore un peu de temps. Hein. Oui. T'inquiète, je te le laisse. Voilà, je te laisse tant qu'il est petit. Alors, Laurine, 80€ pour faire plaisir à Louis, je suppose. Oui, évidemment. On y va, il faut que tu fasses 9 points. 3, 2, 1... Qui reconnais-tu dans cet extrait? Je fais de toi. Emmanuel Moir. Que célèbre-t-on les 1er novembre? La fête des morts. Dans quelle ville de la région Emmanuel Macron a-t-il passé quelques jours la semaine dernière? En athlétisme, dans quelle discipline les coureurs se passent-ils un témoin de main en main? Okay. De quel collectif le chanteur Maître Gims a-t-il fait partie? Quelle course à la voile s'était lancée hier du côté de Saint-Malo? Dans quelle mini-série télé des années 2000 croise-t-on les personnages d'Hervé et Jean-Claude Convenant? Caméra café. Traditionnellement, au bras de qui la mariée fait-elle son entrée? Mon papa. Quelle brioche alsacienne en forme de couronne est garnie de raisins secs? Non, c'est plus, je passe. Cite-moi au moins un acteur à l'affiche du film Le Grand Bain, actuellement au cinéma. Philippe Catherine. 142 moins 24 égale... La panique. Oui, c'était 118. Jocelyne, on fait quoi? On accepte ou pas? Elle a dit 118, mais bien après le gong. Non, on va pas accepter, je suis désolée, Laurine. Bon. Bah, ça démarrait très bien. Oui, je suis gâtée. En effet, tu avais bien reconnu Emmanuel Moir. Non, je là. Emmanuel Macron a passé quelques jours du côté d'Honfleur, en effet. En athlétisme, dans quelle discipline les coureurs se passent-ils un témoin de main en main? C'est bien le relais. Maître Gims, ça fait partie du groupe Section d'Assaut. Bonne réponse. Et quelle course à la voile s'était lancée hier du côté de Saint-Malo? C'était bien la route du Rhum. Je te demandais de citer aussi un acteur à l'affiche du film Le Grand Bain qui est actuellement en salle, tu m'as dit. Philippe Catherine, et ça passe. Tu as été voir le film ou pas? Non, mais j'ai pas trop le temps. Bon, tu vas pas te t'accorder un petit peu de temps pour toi quand même et aller le voir? Pas pour le moment. Non, mais pas pour le moment, ok. Non. Bon, je comprends avec... Oui, il a 2 mois, donc oui, je comprends que tu restes au chaud à la maison. Alors, tu restes avec nous? Sans problème. Ça me paraît plutôt pas mal aujourd'hui. Est-ce que tu as battu Sandrine et Mélissa de Grand-Queville? Est-ce que tu as fait 9 points? Réponds juste après Lucas Graham. Some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Midi 42 sur Cristal, soyez les bienvenus. Nous avons d'un côté aujourd'hui en candidate Sandrine et sa fille Mélissa de Grand-Queville. Elles ont démarré la pause déj avec l'excellent score de 8 points. Il fallait donc pour Laurine de Bonneville-sur-Iton, jeune maman de 2 mois, faire au moins 9 points. C'est notre dernière candidate et si vous avez écouté, Laurine s'est pas mal débrouillée aujourd'hui, mais est-ce que c'était suffisant? Laurine? Oui. Que célèbre-t-on tous les 1er novembre? La fête des morts. La fête des morts. La Toussaint, ça fonctionnait oui. Aussi, ça te fait une bonne réponse. En plus de ce que tu nous as donné déjà. Dans quelle mini-série télé des années 2000 croise-t-on les personnages d'Hervé et Jean-Claude Convenant? C'était Caméra Café. Traditionnellement, la mariée fait son entrée avec son père à ses bras. La brioche alsacienne en forme de couronne qui est garnie de raisins secs et là, ça t'a... complètement perturbé. Tu as dit bretzel pour aller rapidement et puis après t'as bien compris que les raisins secs c'était pas sur les bretzels, c'est un kouglof. Fallait sortir quand même celui-ci hein. Et 142 moins 24 est égal 118, mais tu l'as donné bien après. Laurine, fallait faire 9 points aujourd'hui pour remporter la pause déj. Tu as fait 9 points, bravo. Oh, super. Bien joué, excellent score. Ce qui est dommage aujourd'hui, bon, tu vas être un petit peu dégoûté de ce que je vais te dire là, mais si tu avais eu le kouglof, Tu aurais fait 10 bonnes réponses consécutives. Et là, t'aurais gagné 580 euros. Et là, tu pouvais gâter Louis autant que tu voulais, là. Mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Eh bien, c'est déjà bien, 80 euros pour gâter ton fils. Ah oui, franchement, oui. À l'approche de Noël, c'est parfait. Je te fais de gros bisous, Laurine. Profites-en bien. Merci, moi aussi. Bonne journée. Et gros bisous à ton petit loup qui doit être dans tes bras, là, en ce moment. Bon courage à toi également. Bisous, bisous. Vous jouez également pour remporter donc 80 euros. Vous voyez, c'est possible et ça se passe tous les midis. C'est sur Cristal. Vous appelez au 02 32 23 53 96. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Ainsi passe. Me perçant la prunelle, une perle est venue faire ouvrir à mon âme une porte perdue. Plus qu'en perdre la vue, j'en perdis la parole. Seul me verre ces notes folles. Ici gain passe. Jamais n'avais osé au plus fort de mes rêves croire au plus beau bijou du meilleur des orfèvres. La raison me quittant en ce jour de fortune, mes pensées n'en sont devenues qu'une. Ici gain passe. Le galop de mon cœur me pousse à tant d'élan, mais les muses ne m'accordent pas de talent. Voici que je me tais tout comme je me tue en ce seul instant où je t'ai vu. Ici gain passe. Vous êtes sur Cristal, on vient d'écouter Boulevard Désert. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Mardi 6 novembre, bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien et que vous êtes en forme pour cette journée. Merci d'être là dès 5h30, vous le savez, tous les matins on est en direct sur Cristal et on vous aide à bien démarrer la journée. Surtout que pour la plupart d'entre vous, c'était la reprise hier, après quelques semaines de vacances ou après un long week-end. Donc je sais que c'est pas facile de se remotiver, hein. On a encore la tête un petit peu en vacances, je vous comprends. Surtout qu'il fait nuit tôt maintenant, on a envie d'aller au dodo beaucoup plus vite. Bon courage pour ce matin, que vous soyez à fond dans les boulangeries, dans les commissariats, dans les cliniques et les hôpitaux. Dans les transports aussi, les chauffeurs de taxi par exemple qui tournent toute la nuit. Installez-vous, on va se réveiller ensemble à la cool sur Cristal. Pour la suite, je vous ai préparé Offenbach et Mano Negra, histoire de vous motiver et de vous mettre de bonne humeur à 5h30. Très bon réveil. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 6 novembre. La matinée est très nuageuse avec un peu de pluie et avec quelques éclaircies à l'est de la région et un vent jusqu'à 30 km/h et de 8 à 11 degrés pour les températures matinales. 8 degrés notamment dans le sud de l'Eure. Du gris encore sur notre après-midi avec un ciel très nuageux à couvert avec un vent plus soutenu et atteignant 50 km/h et des maximales comprises cet après-midi entre 14 et 16 degrés. Demain mercredi, éclaircies localement en matinée, puis risque de pluie partout avec jusqu'à 14 degrés. Jeudi, de 4 à 14 degrés, une journée agréablement ensoleillée, puis une fin de semaine souvent bien arrosée avec de la pluie. Vendredi après-midi, samedi et dimanche, et pas plus de 13 degrés. Ils étaient restés plutôt discrets la semaine dernière sur le sujet, mais les leaders politiques commencent à s'exprimer et à prendre position pour le mouvement du 17 novembre contre la hausse du prix du carburant. Et comme pour ne pas laisser le champ libre au seul leader de l'extrême droite, des voix commencent à se faire entendre. Ce lundi, c'est Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie et président de l'Association des régions de France, qui a annoncé son soutien au mouvement de Grogne sur le prix des carburants. Il y a deux France aujourd'hui, la France des métropoles, la France de la mondialisation heureuse et puis la France des territoires ruraux qui ont

poser les armes, prendre le large. Trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Mardi 6 novembre, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon courage hein, si vous bossez déjà dans les hôpitaux, les cliniques, les boulangeries, évidemment, dans les commissariats aussi. On est là sur Cristal pour vous accompagner. Peut-être que vous êtes en galère aussi chez vous, hein, que vous avez du mal à vous lever. Courage, la première semaine d'après-vacances n'est jamais facile, c'est vrai. Il est bientôt 6h déjà, dans un instant, votre info en Normandie, la météo bien sûr, parce que ça se présente plutôt bien en Normandie aujourd'hui, faut le savoir. On y revient après l'horoscope d'Alexandra, bonjour. Bonjour à tous, belle journée ce mardi 6 novembre. L'horoscope des béliers, vous donnerez un vrai coup de fraîcheur à vos amitiés et vous ferez tout pour que cela dure. Taureau, il serait dommage de s'attarder sur des petits détails déplaisants. Voyez plutôt les bons côtés des choses. Gémeaux, les influences planétaires vous procurent un puissant pouvoir de séduction. Cancer, vous ne refuserez pas l'amour ni de vous réconcilier avec votre partenaire si vous êtes en froid. En famille, les lions, vous ferez bloc pour affronter un problème. Vierge, les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment que les personnes que vous rencontrez ne vous conviennent pas du tout. Balance, ne vous attardez pas sur des détails qui pourraient vous agacer chez une personne en particulier. Vous êtes trop perfectionniste. Scorpion, vous aspirez à faire une rencontre simple, dépourvue de passion et qui vous apporterait de la sérénité. Sagittaire, vous serez bien trop malin pour vous laisser emporter par des broutilles amoureuses. Capricorne, vous serez beaucoup plus inspiré. Face aux contrariétés, vous afficherez votre débrouillardise. Verseau, attention à ne pas imposer vos points de vue. Certains ne sont pas prêts à les entendre. Les poissons, si aujourd'hui vous n'êtes pas d'humeur à faire des rencontres, vous remettez cela pour plus tard. Excellente journée à tous. Louise attaque sur Cristal. Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas